الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله لم يخلق الخلق عبثا ولم يخلق الكون باطلا قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال المفسر لا يؤمر ولا ينهى وقال آخرون أي لا يبعث يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى تنزه أن يكون قد خلق هذه المخلوقات الكثيرة والإنسان لغير ما حكمة أو للعبث وأخبر أن ذلك ظن الذين كفروا أيها المسلمون عباد الله بل إن الله خلقنا لغاية عظيمة وحكمة بالغة خلقنا لنعبدوه ونفردوه ونطيعه سبحانه ولأجل ذلك انزل الكتب ولأجل ذلك أرسل الرسل فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أيها الناس هذه الآيات العظيمة فيها إيقاظ للقلوب وتنبيه للغافل وتذكير للعالم فيها بيان للحياة الحقيقية فلا بد من فهمها كي لا نضيع أوقاتنا ولا حياتنا خلقنا لطاعة الله والعباد وإذا كان الأمر كذلك يا عباد الله سؤال مهم يتوجه إلى كل مسلم ومسلمة وهو ما واجبنا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هذا الموضوع موضوع عظيم مهم جدا يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة ما الذي يجب علينا إذا أمر الله بشيء في القرآن وعلى لسان رسوله في السنة صلى الله عليه وسلم واجبنا نحو ما أمر الله به سبعة أمور فافهمها يا عبد الله وحققها كي تسعد في دنياك وأخراك الأمر الأول أن تتعلم هذا الأمر أن تعلمه وتعرفه العلم بداية الطريق لمن أراد أن يكون من أولياء الله المطيعين له قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ومن جهل أمر الله كيف يقوم به؟ فإن كثيرا من الناس يريدون الخير لكن حال بينهم وبين فعل الطاعات والقربات الجهل بأمر الله سبحانه وتعالى. ولأهمية هذا الأمر جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم والحث عليه. قال الله وقل رب زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أذكار الصباح، ومنها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. فلا بد من العلم ومعرفة الأمر. ثانيا محبة ما أمر الله به، لأن الله لا يأمر إلا بما يصلح العبد، إلا بما يصلح العباد في الدنيا والآخرة. والحب سائق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نفرح بشرع الله وبأمره، نقبل أوامر الله بقلب مليء بالسرور والفرح، لأن كل أمر من أوامر الله سلم إلى جنة رب العالمين. فليس في قلب المؤمن بغضا لأمر من أوامر الله ولا من أوامر رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلافا لقلوب المنافقين والعياذ بالله. ومن أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك، أو إلى حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أخرجه الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه. الأمر الثالث العزم على الفعل، العزم على فعل الأمر، لأنك تعلم أن الله خلقك لتطيعه، وأن جزاء المطيعين جنة رب العالمين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. أخرجه الطبراني من حديث شداد بن أوس وصححه العلامة الألباني. هذا لأن بعض الناس قد يعلم الأمر وقد يحبه لكن لضعف في قلبه لا ينعقد العزم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى امتثال أمره. فعلينا بإصلاح القلوب. الأمر الرابع العمل به، الأمر الرابع العمل به، لا بد من العمل، كن من أهل العمل، من أهل طاعة الله حتى تفوز بثواب الله وبالأجور العظيمة التي أعدت للمتقين. قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإياك والتسويف، فإنه من وساوس الشيطان. قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الأمر الخامس أن يقع العمل خالصا لله صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما بني على شرطين اثنين هما الإخلاص والمتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم أيضا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأصله في صحيحين. الأمر السادس، أن يحذر الإنسان من محبطات الأعمال، وأعظم ما يفسدها الشرك بالله العظيم، أعاذنا الله وإياكم منه. قال سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال جل وعز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تصور يا عبد الله أن أناسا يجيئون يوم القيامة يتوقعون الأجور العظيمة أمثال الجبال، فلا يجدون شيئا، فلا يجدون شيئا. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا مسير أعمال من لم يحافظ عليها. ولذا عظم خوف السلف من محبطات الأعمال. هذا ثابت بن قيس لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عظم خوفه من أن تشمله هذه الآية العظيمة التي خوفت الصالحين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. هذا ظن ثابت لما سمع هذه الآية العظيمة خوفته حتى لزم بيته باكيا خائفا من علاج النار، بل الخلود في النار. فلما رجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة: يا ترى ما هي هذه البشارة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. يا لها من بشارة. رواه البخاري. وهكذا مدح الله أولياءه الذين يعملون الطاعات وهم خائفون من أن يحبطوا، من أن يحبطها بعد العمل بها. قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة أمنا رضي الله عنها قالت لما سمعت هذه الآية: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون، أو لكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني. والأمر الآخر يا عباد الله، الثبات والمداومة على الاستقامة وعلى طاعة الله. فالواجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على أمره حتى نلقاه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، شفقاء سشك الله سبحانه وتعالى ne nous a pas créés en vain, n'a pas créé tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre en vain. Il nous dit dans son livre, et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui se trouve entre les deux en vain. Voici la pensée de ceux qui ont mécru. Voici la pensée de ceux qui ont mécru. Et malheur à ceux qui ont mécru du feu de l'enfer. Allah nous dit également dans son livre, pensez-vous qu'on vous avait créé, que nous vous avions créé pour jouer? Pensez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne reviendriez pas vers nous? Allah est au-dessus de cela. Le roi, la vérité, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de lui, le Seigneur du noble trône. Il nous dit également dans son livre, est-ce que l'homme pense qu'on va le laisser ainsi, c'est-à-dire sans lui donner d'ordre ni d'interdit? Est-ce que l'homme pense qu'on nous allons le laisser ainsi? D'autres ont dit sans le ressusciter après sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala dans ses nombreux versets nous démontre qu'il est exempté de tout défaut et d'avoir créé les cieux et la terre et le fils d'Adam en vain sans sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a bel et bien créé pour une sagesse. Wa huwa al-hakim al-alim subhanahu. Allah tabaraka wa ta'ala nous a tous créés, l'ensemble des djinns et des hommes, pour que nous l'adorions d'un culte sincère, seul, sans rien lui associer. Pour que l'on se montre envers lui obéissant, pour qu'on s'éloigne de sa désobéissance. Celui qui met en pratique cet ordre rentrera au paradis. Dans le cas contraire, il entrera en enfer, wal'iyadu billah. Et c'est pour cela qu'il a envoyé l'ensemble des messagers et qu'il leur a révélé l'ensemble de ses livres, subhanahu wa ta'ala. Avec ces versets, les cœurs deviennent vivants et ceux qui sont distraits se rappellent, après avoir compris cela, chers frères, quelle est la chose ou quelles sont les choses qui incombent à l'ensemble des musulmans et des musulmanes devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici une question qui a la plus grande importance. Lorsqu'Allah t'ordonne une chose dans le Coran, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne une chose dans la sunna, que dois-tu faire? Cette chose, retenez-les et efforcez-vous de les mettre en pratique afin d'obtenir la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette chose, celui qui les comprend, les met en pratique, aura la sécurité dans ce bas monde et un paradis vaste comme les cieux et la terre dans l'au-delà. Qu'Allah nous joigne au nombre des bienheureux. La première chose est d'étudier cet ordre, de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. La science est donc le début du chemin. Celui qui veut faire partie des serviteurs pieux d'Allah, des serviteurs obéissants, doit rentrer par la porte de la science. Car celui qui ignore ce qu'Allah lui a ordonné, comment est-ce qu'il pourrait le mettre en pratique? Allah nous dit dans son livre, sache qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. On remarque que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a commencé par la science avant la parole et l'action. Nombreux sont les gens qui veulent adorer Allah, mais ils sont ignorants. Alors ils n'arrivent pas à se rapprocher de lui en mettant en pratique ses actes, car obstruent ce noble chemin à l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Il nous dit également, celui qui emprunte un chemin vers la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Car avec la science, tu vas savoir ce qu'Allah veut de toi. Tu pourras donc lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, après avoir su, connu et compris l'ordre d'Allah, tu dois l'aimer. Car tout ce qu'Allah t'ordonne, c'est un bien pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tout ce qu'Allah t'ordonne, c'est pour ton bien. Et dans la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal, il y a l'élévation dans les hauts degrés du paradis. Il n'y a donc pas, on ne trouve donc pas dans le cœur du croyant quelque aversion pour les ordres d'Allah ni de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. On y trouve plutôt la joie devant l'ensemble des ordres d'Allah Azza wa Jal. Allah t'a ordonné la prière, tu te réjouis de cela, car c'est un lien entre toi et ton Seigneur. Allah Azza wa Jal t'a ordonné sadaqa l'aumône, tu te réjouis de cela, car c'est un lien entre toi et ton Seigneur, une cause pour te voir pardonner tes péchés, être élevé en degré. Allah a ordonné aux femmes le vêtement de la piété, al-hijab, elle se réjouit de cela et le porte, car elle sait que par cela elle se rapproche d'Allah Azza wa Jal et entre au paradis. Et c'est ainsi pour l'ensemble des ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua et demandait à Allah Azza wa Jal, Ô Allah, je te demande de m'accorder ton amour et l'amour de ce que tu aimes et l'amour de chaque action qui me permettra de me rapprocher de ton amour. Subhanallah. Une dua immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Allah de lui faire aimer tous ses ordres. Troisièmement, après avoir connu l'ordre, après avoir aimé cet ordre, tu dois avoir la ferme intention de le mettre en pratique. De transcrire cette science, de traduire cette science et cet amour par la mise en pratique de l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Car tu sais que tu n'as été créé que pour lui obéir. Et tu sais que la récompense des obéissants, de ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, est le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en disant, « Oh Allah, je te demande de me raffermir sur ton ordre et de m'accorder la détermination afin d'observer la droiture. » Certaines personnes aiment le bien, connaissent le bien, mais ils n'ont pas assez de foi pour avoir la ferme intention de mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné. Ils te disent, « Je sais que telle chose est obligatoire, mais je suis faible. Je sais que telle chose est muharrama, mais je n'arrive pas à la délaisser. La ya Abdallah, délaisse ce péché wa tawakkal ala Allah. Invoque Allah et demande-lui de remplir ton cœur afin que tu sois déterminé pour mettre en pratique ce qu'il t'a ordonné. Et il t'aidera à mettre en pratique cela. Quatrièmement, tu dois mettre en pratique l'ordre d'Allah Azza wa Jalla afin de faire partie de ceux qui se montrent obéissants et soumis à leur Seigneur, afin d'obtenir la grande récompense qu'Allah a préparée pour les gens pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'on ne doit pas retarder ses ordres. Et nous dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre préparés pour les pieux. Et fais attention à l'insufflation du shaitan, qui te fait repousser au lendemain les ordres d'Allah, et qui te fait repousser au lendemain le repentir. Et te dit, lorsque tu seras plus vieux, ou lorsque tu seras marié, ou lorsque, mais tu vas mourir, ya Abdallah. Tu vas mourir. Et tu ne sais pas quand l'ange de la mort va venir récupérer ton âme. Alors tu dois mettre en pratique immédiatement, sans plus tarder, les ordres d'Allah. Et te repentir de l'ensemble des désobéissances que tu as pu faire. Cinquièmement, lorsque tu mets en pratique l'ordre d'Allah, tu dois le faire sincèrement à la recherche de son agrément et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas contraire, Allah n'acceptera pas ton adoration. Il nous dit dans un hadith à thème divin, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. » Celui qui fait une action en me donnant un associé, je le délaisse lui et son association. Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, son action sera rejetée. Tu dois donc faire l'action qu'Allah t'a ordonnée sincèrement pour lui, et cela en conformité avec sa sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, tu dois faire attention à toute action, toute parole, toute croyance qui pourrait venir annuler tes bonnes actions. Et de cela avaient peur les meilleures des créatures. Et la chose qui cause le plus la perte du serviteur et l'anéantissement de ses bonnes actions, c'est le polythéisme. Ash-shirku billah. Allah nous dit dans le Coran, en effet, elle t'a été révélée ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras certainement du nombre des perdants. Celui qui adore un autre qu'Allah Azza wa Jal ou qui lui donne un égal, Allah annule toutes ses actions. Wal'iyadu billah. Imaginez des hommes qui ont agi. Ils arriveront yawm al-qiyam en espérant trouver des montagnes de bonnes actions. Et ils ne trouveront rien. Ils ne trouveront rien. Pourquoi ? Car ils n'ont pas pris, car ils ne se sont pas éloignés de ce qui peut annuler leurs bonnes actions. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons, ils avaient peur de tomber dans ce qui peut annuler leurs actions. Thabit ibn Qais est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah a révélé l'interdiction aux croyants d'élever leur voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que leurs actions ne soient vaines, annulées, cet homme qui se nomme Thabit ibn Qais est rentré chez lui. Et il a déserté les rues de Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué son absence, il a demandé à son sujet. Alors un homme a dit, je te ramènerai des informations le concernant au messager d'Allah. Il est parti chez lui. Arrivé chez lui, il l'a trouvé assis, la tête baissée, en train de pleurer sans cesse. Alors il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive, ô Thabit ? Que se passe-t-il, ô Thabit ? Alors Thabit lui a dit, Allah a révélé ce verset. N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi j'ai une voix portante et j'ai élevé ma voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors m'a touché un grand mal. Allah a annulé toutes mes actions et je ferai partie des habitants du feu de l'enfer. Regardez la peur de ce compagnon. Après avoir entendu un verset, le début de Surat al-Hujurat. Alors cet homme est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, Thabit ibn Qais, voici ce qui lui arrive, ceci et ceci. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renvoyé cet émissaire au voir Thabit et lui a annoncé une bonne nouvelle. Écoute ce hadith, ya Abdallah. La fin du hadith de Anas radiallahu anhu, qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, le livre le plus authentique après le Coran. Il lui a dit, retourne voir Thabit et dis-lui qu'il ne fait pas partie des habitants de l'enfer, mais il fait partie des habitants du paradis. Ya subhanallah. Thabit ibn Qais a compris le Coran, a eu peur de la perte de ses actions. Allah Azza wa Jal lui a remplacé cette crainte par une sécurité et un paradis éternel. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ses serviteurs pieux. Ils font de bonnes actions, puis ont peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas cela d'eux. Et parmi les du'as, le septième point, le fait de rester ferme et régulier dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Après avoir fait tout cela, tu ne dois pas te sentir à l'abri. Tu dois espérer qu'Allah t'accorde la droiture jusqu'à la mort. Tu dois espérer rester régulier et ferme dans l'adoration d'Allah et son obéissance. Particulièrement à cette époque où il y a beaucoup de troubles, où la personne se réveille le matin croyante et elle se couche le soir mécréante. Wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'adorer jusqu'à ce que la certitude nous vienne, c'est-à-dire la mort. Et un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question. Informe-moi d'une chose, afin que je n'ai besoin par la suite de ne questionner personne après toi. Il lui a dit, j'ai cru en Allah et observe la droiture. Dis, j'ai cru en Allah et observe la droiture. Et les pieux prédécesseurs avaient peur de la mauvaise fin. Cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et l'homme ne cesse de mettre en pratique les actions des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'un encore bien qu'une coudée. Son livre le rattrape, son destin le rattrape. Il fait alors les actions des habitants de l'enfer et il y rentre. Il est resté dans les actions des habitants du paradis, à la fin il meurt sur une mauvaise action, il rentre en enfer. Car son cœur n'était pas propre, car il cachait quelque chose dans son cœur, à l'image des munafiquns, à l'image des hypocrites qui restent au sein des musulmans et qui trompent les musulmans. والعياذ بالله هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. Ces gens-là seront dans le plus bas de l'enfer, comme Allah nous dit dans le Coran. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, la meilleure créature qu'Allah ait créée, avait peur de la mauvaise fin. Alors que c'est Sayyid Waladi Ad, la meilleure créature. Umm Salama radiallahu anha nous dit أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أم سلمة nous dit que l'invocation que le prophète صلى الله عليه وسلم disait le plus souvent: ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion, raffermis mon cœur dans ta religion. Voici l'invocation du prophète صلى الله عليه وسلم. Voici 7 points qu'il nous faut retenir, comprendre et mettre en pratique afin d'obtenir le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le premier point, connaître l'ordre d'Allah. Le deuxième point, aimer l'ordre d'Allah. Le troisième point, avoir la ferme intention de mettre en pratique les ordres d'Allah. Le quatrième point, mettre en pratique l'ordre d'Allah. Le cinquième point, le mettre en pratique sincèrement à la recherche de son agrément et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, prendre garde à tomber dans ce qui pourrait annuler nos actions, comme le polythéisme et le fait de désobéir à Allah Azza wa Jalla en privé alors qu'on montre qu'on n'est plus en public. Et le septième et dernier point, rester ferme sur la religion d'Allah Azza wa Jalla et lui demander à ce qu'il nous préserve sur cela. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nasta'in, aslih sha'nana kullah wa la takilni ila anfusina tarfata 'ayn. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشف أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا اللهم اصلح ذرياتنا واحفظ إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم أصلح أمرهم اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد وعلى السنة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قم إلى صلاتك.